L'homme archétypal dans la Genèse, il est écrit qu'Ève avec un serpent, symbole de la force féminine terre, terre pur corps, nécessaire à la fécondité. La pureté est représentée en Égypte par la transparence de l'habit ou la nudité. La pomme, fruit de l'arbre originel, racine dans la vie terrestre, est le creuset de nos demandes sont égales à terre vierge égale à mémoire de l'évolution de notre âme. Pomme égale à lune d'argent égale à barque d'Isi égale à mémoire de l'origine, la mémoire de nos acquis passés et présents égale à âme. En croquant dans la pomme de la connaissance, elle prend conscience du paradis, elle ne le perd pas. La femme représente la légèreté de l'espace, et l'homme la force de la terre. L'homme fluidique est un homme allégé, qui pourra se mouvoir dans l'espace. Ce fluide correspond au mercure des alchimistes. C'est la matrice féminine fécondée par l'esprit qui mènera les êtres à devenir des créateurs. Les femmes ont beaucoup plus de facilité que les hommes, parce qu'elles ont déjà la matrice matière, qui représente la mémoire de l'ADN constitutif de l'homme. La femme a le pouvoir d'enfanter, la faculté d'intuition. Elle travaille avec ses deux hémisphères. Cette matrice est à la fois dans l'invisible et incarnée, alors que la matrice féminine de l'homme n'est pas dans la matière. Par sa polarité féminine, l'homme possède une matrice invisible, qui lui permettra de créer sur un autre plan, et de développer son côté intuitif. L'homme a besoin de retrouver son côté féminin pour créer par la pensée. La femme doit retrouver son côté masculin pour obtenir la puissance nécessaire pour la création pensée qui influencera la matière. L'homme n'a pas besoin de devenir femme pour incarner sa polarité féminine. De même, la femme n'a pas besoin de devenir homme pour incarner sa polarité masculine. L'androgyne, unification des deux polarités, la femme polarité négative, ciel, intuitive, sensible, Vénus, matrice, oméga, Athanor, lune Mercure, mémoire ovule, passive, l'inconscient, l'ombre, intérieur, eau, profondeur, humilité, noir. L'homme polarité positive, terre, force, Mars Soleil, puissance de projection, soufre, actif, la conscience, la lumière, extérieur, feu, élévation, rayonnement, blanc. La femme c'est l'air égale à mémoire, mouvement du ciel. L'homme c'est le feu terre égale à mémoire, mouvement de la terre. Que l'on soit homme ou femme, chacun doit détenir les deux l'ensemble de ses qualités. Donc, l'homme ou la femme doit être Tao égale à, l'axe central du vide où l'énergie du tout peut se réaliser et s'accélérer. Cet état est symbolisé par un pilier, ou un scarabée, un cobra, en Égypte, représentant le droit, c'est la mécanique quantique. La femme doit retrouver ses qualités masculines pour accélérer les mémoires reçues et l'homme, ses qualités féminines pour absorber les mémoires reçues. Pourquoi? Parce que l'homme et la femme doivent être fécondés par l'espace pour devenir des créateurs. Ils doivent obtenir une autre matrice, qui sera le réceptacle du feu de l'esprit, qui est feu et eau de la lumière, cette énergie est très chaude. Il faut pour cela que le corps puisse compenser en eau froide. Il leur faudra puiser l'eau dans leur côté féminin eau du ciel qui est froide, nord-ouest, ils vont être aidés suivant les actes des éléments, et les étoiles invisibles qui se trouvent inscrits dans leur corps. Je ne puis rentrer ici dans des explications plus détaillées. Le scarabée tout cela s'appelle l'alchimie sèche qui n'accepte aucune erreur. L'homme et la femme sont des alchimistes, qui peuvent transmuter parce qu'ils sont archétypes. L'archétype peut retrouver les mémoires de ses vies antérieures, il peut puiser dans son livre du passé. Le verbe qu'elle a pensé, l'essence divine, mettra en action toutes ses mémoires. Seul un être pleinement réalisé, peut utiliser sa pensée pour agir sur la matière, esprit contre la matière. Ce qui explique le mystère des constructions monumentales rencontrées dans les civilisations anciennes. C'est la pensée qui agit en déployant des forces inimaginables. Par exemple, les blocs de pierre utilisés pour la construction des pyramides, ont été constitués à partir de grains de sable agglomérés par la force de la pensée. La création des plans des pyramides était faite par la pensée. Pour l'homme actuel cela est impossible, de même que la dématérialisation ou la lévitation. C'est là que l'on rejoint la découverte d'Einstein, à savoir que l'homme n'utilise que de 5 à 10% des capacités de son cerveau. Il utilise surtout son hémisphère gauche. L'équation bien connue d'Einstein, E égale à m2 établit, qu'on obtient de l'énergie à partir de la masse, mais également que l'inverse est possible, c'est-à-dire obtenir de la matière à partir de l'énergie, construction des pyramides par agglomérat des cristaux de sable et d'argile, matérialisation de l'esprit sur la matière. Durant des millénaires l'homme archétype, s'est trouvé confronté aux éléments, et à la création tout entière mais, grâce à ses mémoires et dans le respect des lois de l'univers, il a pu maintenir l'équilibre ciel-terre, et préserver son environnement. L'aura de l'archétype est lumière divine. Il vibre à la vitesse de la lumière et même au-delà. Action-réaction. Il peut, par sa seule présence, changer les fréquences vibratoires d'un lieu ou d'une personne, ce qui peut provoquer des rejets, des maladies, des croissances rapides d'éveil. Il représente le tout universel. Il illumine la clarté du monde. Il a un savoir inné de tout un processus universel de la vie dans l'incarnation. Il sait agir en connaissance de cause, et permet l'évolution de soi à l'échelle du monde. Il travaille avec l'aura du savoir. Il percute en lui des atomes de couleur et de son. Tout un monde participé est uni à sa fonction de son mécanisme, représentant l'échelle universelle, qui anime l'univers du tout et de son propre univers, sa destinée. Son aura stimule en lui l'ouverture de son savoir, quand il approche l'aura d'une personne. Vu l'état actuel de notre Terre, nous pouvons croire qu'il y a des archétypes sur les différents continents. Leur rôle est de maintenir l'équilibre entre les différents univers et notre planète. Ces êtres permettent de rétablir l'équilibre rompu depuis des millénaires par l'homme, en remettant la Terre dans sa fréquence, à l'aide de leur fréquence à l'unisson avec les autres univers. Ils maintiennent la structure énergétique de la Terre. Ces êtres ont pris un corps physique pour agir à partir de la Terre, parce qu'ils sont hautement évolués. Ils sont en relation constante avec les êtres divins de l'univers, invisibles à nos yeux. Ils sont le miroir inversé des divinités invisibles. Ils peuvent par leur présence sur Terre prendre le libre arbitre de l'humanité pour l'aider à sortir de la prison qu'elle s'est fabriquée au fil des millénaires. Les divinités invisibles ne peuvent agir d'en haut. Elles peuvent suggérer, par des messages télépathiques, des solutions aux personnes médiums et sensibles. Le libre arbitre de ces personnes demeure entier. Elles écoutent et se mettent en route, ou elles écoutent et ne font rien. Ce n'est pas parce que nous avons des messages télépathiques, que nous devenons des êtres réalisés. C'est que vous avez simplement levé le doigt pour faire l'antenne. Alors gare au brouillage des émissions. L'étoile à 5 branches symbole de l'homme complet au pouvoir illimité. Besoin d'être trimoléculaire, 3 sphères égales à 3 corps, pour pouvoir incarner le plan céleste. Une absorption plus rapide car trimoléculaire. L'homme céleste, âme, est fait ainsi. L'homme terrestre ne l'est pas mais cela se voit uniquement, dans l'éther à la transformation de l'être, quand il est prêt à recevoir la nourriture. En Égypte dans le temple de Dendera, temple des étoiles, des planètes et des constellations, la déesse Nou au sein nu, est la voûte céleste remplie d'étoiles à 5 branches représentant la nourriture transmise par les âmes célestes, ou les êtres célestes au pouvoir illimité. Nous je pourrais vous parler très longuement des hiéroglyphes de l'Égypte. Ils sont le langage céleste laissé sur Terre pour ceux qui retrouvent leur origine, et se baignent à nouveau dans ces énergies, et un moyen de confirmer leur retrouvaille intérieure. Ce sont les symboles du mécanisme de l'âme amenant les énergies des étoiles dans le corps physique. L'ancienne Égypte est la terre de nos origines célestes, et le berceau de l'humanité. Beaucoup de personnes, attirées par tout ce qui touche l'Égypte, sont appelées par leur être intérieur, qui leur montre le chemin à suivre pour retrouver les énergies de leur origine. Les révélations peuvent être fructueuses pour la suite de l'évolution et de leur impact sur l'humanité. Beaucoup de touristes en reviennent malades, parce qu'ils ne se sont pas préparés à assimiler sans encombre ces énergies. Ils sont révélés à eux-mêmes dans leur blocage. On ne va pas en Égypte pour jouer aux touristes. On y va avec humilité et sincérité, afin de retrouver ses origines célestes pour les appliquer dans la présente incarnation. Le mariage, pourquoi dans notre civilisation, le mariage ne tient presque plus, et que les couples se déchirent lors de la séparation? Parce que ce mariage n'est pas un véritable mariage. Les gens tombent amoureux et se marient, même s'ils ne vivent pas le véritable amour. Vous me direz, je suis vraiment amoureuse ou amoureux et c'est très fort. Pour moi, c'est cela l'amour. Je vous réponds que tout ça ce n'est pas l'amour. C'est tout simplement une attirance. Vous me direz que je ne connais rien à l'amour, et que je n'ai pas vécu cela très fort. Et, bien si, mais ce n'est pas de l'amour. 1. Nous sommes attirés par une personne du sexe opposé, qui correspondra à un manque dans notre polarité, et nous cherchons la complémentarité. C'est une application de la loi du yin et du yang, le plus et le moins, le miroir. Le mariage est une union de deux êtres désirant former le tout en nous, le Tao qui est l'amour, l'absolu, le tout, l'alpha et l'oméga, le haut et le bas, la droite et la gauche, l'Orient et l'Occident, etc. 2. Pour être amour véritable, il faut être le yin et le yang équilibré. En haut en bas, à droite et à gauche, la croix, les quatre éléments. Homme et femme intérieurement, c'est le mariage intérieur. Là, vous êtes en paix. Tout vient en temps voulu. C'est retrouver son âme sœur. Cela permet de la trouver à l'extérieur aussi. Quand les émotions destructrices logées dans le plexus solaire sont transmutées, le chakra solaire et le chakra du cœur ne font plus qu'un. Le haut et le bas sont alors unifiés. Demi-lune en miroir et pleine lune coupée par son milieu, quand on parle d'Akhenaton et de Néfertiti comme frère et sœur, cela correspond au mariage alchimique de l'esprit critique. Parce qu'ils sont pharaons. L'immortalité de tout temps, l'immortalité a fait rêver beaucoup de personnes. Mais qu'est-ce que l'immortalité? Notre âme est immortelle. Elle est une mémoire éternelle de tous les acquis de nos vies passées en relation avec le tout, l'esprit. Puisque nous avons accès à ce livre des mémoires, elle nous permet d'avoir la réponse à tout. Atteindre l'immortalité, c'est dépasser toutes les barrières de notre vie terrestre pour arriver à l'éternité, qui est notre véritable personnalité représentée par le symbole du soleil, et de la spirale égale à état éternel. Notre âme est en contact permanent avec la mémoire du tout, l'esprit. C'est elle qui véhicule la vérité semence de l'esprit pour nous guider lors de notre vie terrestre. C'est notre élixir de longue vie. C'est notre pierre philosophale, notre tableau d'émeraude. notre âme est l'épouse de l'esprit, et reçoit sa semence fraternelle des âmes sœurs, Isi Osiri, Akhenaton et Nefertiti, qui nous donne la corne d'abondance et là, nous devenons des créateurs. L'état christique, est un état d'être au centre de soi, dans le cœur. Ce sont les énergies du haut et du bas, ainsi que celles à l'horizon, droite-gauche, yin-yang, reliées au cœur. C'est la croix du Christ. Ce sont les énergies tao verticales et horizontales. C'est l'unification père et mère à la verticale et masculin, féminin à l'horizontale. 1 à la verticale 1 à l'horizontale égale à 11 le chiffre du Christ est le 11 donc, si dans les trois mondes vous êtes 11 cela fait 33, chiffre de l'âge de la mort symbolique du Christ. C'est le dernier chiffre du nombre d'or. Je vous mets sur la voie. Le chiffre 33 du terrain, les différents chiffres 33 comment faire pour changer, lorsque vous voulez soulever une pierre et que vous êtes dessus, comment pouvez-vous la soulever? Eh bien, il suffit tout simplement de descendre de cette pierre et de la soulever. Descendre de la pierre, c'est le lâcher prise, ici et maintenant, par rapport aux problèmes, pour mieux les voir et agir en conséquence. Nous pouvons être aidés par les rêves ou par des personnes qui sont mises sur notre route. Toutes les situations qui se présentent à nous sont des aides. Elles nous guident pour aller dans notre puits situé au cœur de l'âme. Elle posera des jalons tout le long du chemin pour arriver à la compréhension de notre situation. Comment faire encore? Expérimenter le lâcher prise. Tout simplement. Attelez-vous à ne pas juger l'autre, à ne rien vouloir, à faire le vide intérieur, à ressentir la paix. C'est la porte ouverte qui permettra aux rêves et aux personnes de se retrouver sur votre chemin. Un être humain n'a pas le droit de détenir un pouvoir sur son semblable. Il est temps qu'il comprenne que chacun a sa propre vie et une destinée, laquelle doit être comprise à travers ses expérimentations. Tout cela doit être accompli avant la fin de son incarnation. Sinon, il entre dans le cycle infernal du karma. Si vous avez envie de juger une personne, demandez-vous, qui suis-je pour la juger? Si vous voyez un défaut qui vous agace chez elle, regardez en vous si ce défaut existe aussi. Vous y découvrirez le jeu du miroir. Car, au moment précis où vous percevez chez l'autre le défaut, l'énergie est là pour le transformer. L'énergie est là, au-dessus de vous. Elle attend que vous preniez conscience de ce défaut qui résonne en vous, pour vous aider à le transmuter. La transmutation ne peut se faire, que lorsqu'il y a une prise de conscience. Le défaut chez l'autre sert de point d'appui pour réaliser, que l'on trouve le même chez vous. L'énergie que vous recevez à l'instant, va permettre la fécondation et la transformation de l'ancienne mémoire en une nouvelle mémoire. Elle vous fait évoluer pas à pas. C'est le cheminement pour arriver à l'axe central, le Christ, être en bas et en haut à la fois. C'est notre arbre de vie, les racines, le tronc et les branches. C'est retrouver l'enfant en nous. Renaître. C'est la manifestation du bélier symbole de l'ordre cosmique. C'est la pureté indiquée dans les livres sacrés. La spontanéité. La joie qui s'exprime par le cœur. Le silence intérieur. La légèreté. Le véritable amour, la beauté de Vénus. En un mot, c'est la bonne voie menant à l'unification. Changez et votre entourage changera en même temps que vous. S'incarner et être présent, il s'agit tout simplement d'être là. Entièrement. À chaque instant. Concentré en soi et vide de pensée. Ainsi doit-il en être lorsque vous conversez avec une personne. C'est s'imposer de rester présent, et ne pas partir dans ses pensées quelles qu'elles soient ou encore de penser à ce que vous allez répondre. Soyez vide de toutes impressions, pour vous permettre d'être à l'écoute totale, et de comprendre le message émis par l'autre. Sinon, vous risquez de n'entendre qu'une partie de la conversation, d'avoir un blanc et d'interpréter ses dires en rapport avec votre capacité d'écoute, et votre degré d'évolution. Une attitude de non-écoute occasionne des malentendus. Faites-en l'expérience. Prenez une phrase simple et répétez-la à plusieurs personnes. Par la suite, demandez à chaque personne de donner son interprétation. Surprise garantie. De plus, vous saurez à qui vous avez affaire. Vous comprendrez pourquoi, sur cette planète, il y a tant de conflits et de guerres. Dans la vie, imposez-vous d'observer ce qui se passe autour de vous. Cette écoute est différente, elle est visuelle. Écoutez avec votre corps, c'est le ressenti. Écoutez avec les oreilles et le corps. Ressentez le choc du mouvement du son des pensées. Ce n'est pas uniquement en expérimentant, que l'homme comprend les leçons de vie. Ces expériences ne sont que les acquis-matières terrestres, et l'homme a aussi intérêt à utiliser les leçons comprises lors des vies passées. Il faut être tolérant envers les autres. D'une manière consciente ou inconsciente, nous jugeons les raisons d'être des autres personnes. Tout comme vous, ils doivent corriger et régler, pour pouvoir continuer leur évolution. Mais cela n'est pas votre problème. Vous ne pouvez pas faire le travail à leur place. Surtout ne jugez pas. Sinon, vous pourriez bien faire partie du règlement de ce karma. Le mieux est de dire ce que vous pensez, sans arrière-pensée et sans forcer les choses. Les malentendus seront éclaircis, peu importe le comportement de l'autre. Le travail de chacun est d'exprimer son point de vue sans arrière-pensée et sans s'imposer. Si nous ne disons rien et laissons faire, nous emporterons la responsabilité, ne serait-ce qu'en vertu de l'adage suivant, qui ne dit mot, consent. La communication et l'échange des impressions, sont nécessaires pour ouvrir les portes de l'inconscient. L'univers ne fait pas le travail à notre place. Il donne seulement le complément de nos actions justes. C'est la raison pour laquelle tant de personnes tournent en rond. Elles cessent de tourner en rond quand il y a une compréhension des événements. Au moment où il y a cette compréhension, il y a action juste. Ce n'est que lorsque que l'univers répond que vous avez la compréhension. Rien n'est donné gratuitement et croire le contraire est un leurre. L'univers ne donne que lorsque nous sommes justes et en paix. C'est dans cet état d'esprit que nous pouvons donner à notre tour. Il y a application de la loi du libre-échange. Lorsque nous sommes justes, nous sommes dans le don, dans l'échange. Le mot d'ordre est de dire les choses. Il n'y a pas de non-dit. C'est ce simple comportement qui permet d'ouvrir les portes intérieures et de nous rendre plus forts lors des épreuves. Je sais qu'il est difficile de se défaire des mauvais plis, qui sont la conséquence de notre éducation judéo-chrétienne fondée sur la peur et les interdits. Ne restez pas sur de mauvaises impressions. Ne soyez pas choqué par ce que vous voyez. Analysez ce qui vous fait réagir. Observez d'abord et corrigez par la suite. Voilà le cheminement à suivre pour changer et grandir dans les énergies. Ce n'est pas à l'univers de faire votre travail. L'univers vous envoie les énergies que vous méritez. Si vous êtes juste, vous grandirez. Si vous êtes dans les émotions ou les mauvaises critiques, les énergies serviront à vous mettre en face de vous-même jusqu'à ce que vous compreniez. C'est cela, la justice divine. Je vous dis ceci parce que c'est un problème important de l'humanité rendu au stade de son développement actuel. Le jugement devient destructeur pour celui qui est jugé par son état d'esprit destructeur. Il est possible de juger sans cet état d'esprit. C'est-à-dire, dans un état de paix intérieure, sans pensée destructrice, ni colère, ni jalousie. C'est un constat. Lorsque nous sommes dans l'énergie d'échange en permanence, les choses arrivent au moment opportun. Quand il y a un problème quelconque ou que quelque chose bloque, on doit se demander, qu'est-ce que je n'ai pas compris, pas fait ou mal fait? Et là, la réponse arrive, accompagnée de la solution. On corrige la situation et les portes s'ouvrent. Comme par enchantement. C'est cela la magie de la vie. Il nous faut comprendre que les blocages sont notre propre création. Ils sont notre propre création. C'est l'instant présent qui prend toute son importance. Il permet d'éviter les problèmes, parce que dès que nous avons perçu les signes, nous avons immédiatement effectué la correction qui s'imposait. Votre plus gros défaut servira de thermomètre pour vous montrer que vous n'avez pas atteint la pureté totale. Tant qu'il est présent, il faut persévérer. Ce gros défaut devient votre grande qualité lorsque vous avez fait un effort de compréhension et que l'évolution suit son chemin. En ce moment même, notre croissance est forcée de reprendre sa place dans le plan d'ordre qui n'a pas été suivi. Il a très souvent été pris par le karma égal à stagnation, la poursuite du plan s'est arrêtée. Voilà, je voulais vous entretenir de cela pour vous aider à mieux comprendre le fonctionnement des lois de la vie. Je voulais aussi vous dire que l'être humain n'a pas évolué depuis des millénaires, les multiples et constantes guerres n'en sont-elles pas le triste témoignage? La façon dont fonctionnent les énergies en nous, la vie danse en nous, et tout est stimulé par des hauts et des bas. La vie ajoute des sons à notre aura. Là, tout se mélange et nous donne des informations sur nos vies antérieures par l'intermédiaire de souvenirs, de visions et de perceptions de déjà vécu. Beaucoup de personnes expérimentent ce phénomène du déjà vu ou vécu. La vie, l'énergie, augmente notre taux vibratoire lorsque nous sommes en harmonie. Lorsque notre être est avec le tout, l'univers, cela permet la liaison entre les deux mondes, et toutes nos cellules vibrent par l'échange de ces énergies. Tout est transmis au subconscient, qui agit et nous donne d'étranges sensations. Tout part d'un procédé unique, qui nous donne la sensation de savoir. Tout se fait à temps, la prise de conscience de ce travail se fait en profondeur dans nos cellules et nos molécules vibrent. Le taux vibratoire change. Il augmente ou s'abaisse suivant notre état d'être à la réception. Comme tout se passe dans les énergies, nos pensées doivent être positives. C'est par elles que nous est transmis le savoir ancestral. Suivant nos pensées, on peut avoir une évolution rapide des choses, progresser ou détruire. Notre attention sur notre comportement est importante, car elle nous permet de corriger immédiatement nos lacunes. Les trois principes fondamentaux, voici la manière dont l'homme doit agir pour être et appliquer, à chaque instant de sa vie, les lois de l'ordre universel. Un tout est voilé car tout homme incarné sur Terre doit apprendre à travers l'expérience. Les épreuves servent à nettoyer le terrain, à débroussailler ce qui gêne à la bonne culture des semences pensées. C'est la seule façon de retenir les principes fondamentaux de la magie de la vie. Toute chose a sa correspondance et tout est lié. La connaissance se dévoilera au fur et à mesure de la marche sur le chemin de la voie royale, dit Tao. Rien ne peut se créer si l'on reste dans l'illusion. Dans l'illusion, nous ne créons que l'illusion. Donc, pas de forme, pas de création. Nous restons dans le virtuel qui par ailleurs, occupe une place de plus en plus considérable dans notre société. La balance doit se faire entre le moi éternel et le moi émotif. Nul ne peut expérimenter à votre place. Un grand maître, un avatar peut faire prendre conscience de ses erreurs, et montrer le chemin à suivre. Il peut uniquement donner une poussée verticale à tout être, qui est en ordre dans sa vie intérieure, parce qu'il a donné la priorité à l'expression de son âme. L'homme qui a des lacunes sera très bousculé par la force énergétique de ses grands êtres. la volonté de celui qui élève son âme pour témoigner de ce qui est autour de lui et intercéder auprès des êtres divins, sera accomplie. Il devient l'homme de science. Il devient le son. Il applique les principes de vie sur Terre. Il a une ouverture de conscience totale. Il est réceptif et, obéissant aux lois universelles, il agit en sympathie avec les autres âmes. Il se conforme aux lois de la nature pour appliquer les lois célestes. Il est celui qui pourra intercéder auprès des étoiles de l'état du présent. En contrepartie, il recevra des éléments permettant la bonne exécution de la volonté divine en lui et autour de lui, pour s'adapter à l'ordre cosmique. Afin que la réalisation de son âme contribue à cette œuvre avec ce qu'il a appris dans le passé, mémoire du passé acquise au fil des incarnations, il se place dans le présent, pour appliquer les nouvelles informations journalières. Premier mot-clé, remonter à la surface ce qui est caché, et le placer dans la clarté. Deuxième mot-clé, croissance par la légèreté, demander égal à coiffe de la basse Égypte, recevoir égal à coiffe de la haute Égypte. 2. Le discernement de ce qui est juste et l'intégrité. Par son état d'être, il combat ce qui est corrompu sur terre et dans les êtres. Il embarque dans le progrès, il est amour et le répand, c'est-à-dire qu'il ne laisse rien au hasard. Par le reflet de son âme, il est miroir. L'être juste influence par son éveil, et ne laisse pas les gens indifférents. Les forces d'en haut et d'en bas agissent simultanément. Toutes les inerties rigides dégénérées en stagnation seront anéanties. Toutes les fautes commises par les hommes doivent être réparées par les hommes, et non, comme beaucoup le croient, par le ciel. Nous sommes responsables de notre condition de vie. C'est un mauvais usage de la liberté humaine, qui a causé cet état de corruption. Tous les êtres conscients le savaient agissent dans la droiture. 3. Maintenir une ligne de conduite en accord avec les principes de ce qui est supérieur, et avoir la connaissance de ce qui est dans toute chose. Reconnaître la véritable hiérarchie dans l'échelle des valeurs, et leur importance dans l'ordre créatif. Connaître notre monde intérieur en établissant un ordre de priorité. Notre moi est mêle, âme et notre moi émotif, égo, sont équilibrés égal à amour sagesse. Voix royale égale à ta voix du vide. L'être ne est jamais. La haine est une sorte d'inféodation par laquelle on se lie à l'objet haï. Par contre, la force intérieure, par sa fermeté, sa réserve et sa mesure, devient inaccessible. Elle maintient immobile toute haine, l'amplifie et la retourne à celui qui est. La haine, par le miroir du sage, est retournée au centuple. L'être marche avec le temps. Il est dans le mouvement et il exerce une poussée vers l'avant. Sa force se manifeste lorsqu'il ne cherche pas à contraindre et qu'il est persévérant. Il sait que le temps a ses cycles et agit en conséquence. L'accueil de nouvelles énergies lui permettra de lever le voile par l'application chaque jour de sa vie, pour durer dans le temps. Symbole du voile d'Isi. C'est ainsi qu'est transmuté le karma. Par cette libération, un être retrouve sa souveraineté et peut se gouverner, c'est le dharma. Les couleurs sont des puissances qui accélèrent le mouvement, et interviennent quand l'âme est disponible. Elles permettent de voyager dans toutes les directions. Le mouvement de l'énergie passe par le cardiaque, qui remplit l'espace de notre âme disponible, et adjoint les membranes des mémoires pour se concentrer en un point central, le cardiaque, et ainsi de suite, en mouvement perpétuel. Mot-clé, total égal à faire remonter notre force feu aux lumières, chiffre 3, divine pour élargir nos connaissances des mystères de la nature avec l'aide des étoiles, qui percuteront régulièrement nos demandes. Mémoire physique, notre corps physique contient 80% d'eau. Cette eau permet de mémoriser les émotions, les idées, les maladies et l'hérédité qui sont des molécules. Tout ce qui entre en mémoire non transmutée, devient terre et alourdit notre corps. ADN, mémoire de la structure physique. Mémoire de l'âme, notre corps énergétique reçoit, et garde en mémoire tout ce que nous avons accumulé dans les vies antérieures, émotions, connaissances intellectuelles, blocages ou dons de soi, karma ou dharma. ADN céleste qui peut changer par les énergies lumière du plan cosmique, et nous mettre à l'heure de l'horloge du temps. L'héritage, le karma, les réponses, nous les avons en nous. Nous sommes obligés de faire ce retour dans le passé, parce que dans cette mémoire est inscrit tout, ce qui fut acquis au long des millénaires d'incarnation. Les erreurs commises devront être réparées, sinon ce sera à nos enfants de le faire. Ils seront perturbés dans leur vie, tant qu'ils n'auront pas réparé les erreurs de leurs parents et ancêtres. Ils reproduiront toujours le même schéma jusqu'à ce qu'elle soit réparée. Le corps physique est imprégné de cette mémoire, et nos enfants en sont les héritiers. Parce que nous ne naissons pas par hasard, l'âme choisit sa famille en fonction de ce qu'elle doit atteindre dans cette nouvelle vie avec la puissance nécessaire pour y parvenir. Ainsi, nos épreuves sont à la hauteur de notre force pour agir et changer. Aucune excuse n'est valable, elle est simplement une fuite devant l'épreuve. Lors de son incarnation, l'âme doit écrire le livre de sa vie. Chaque jour, pas à pas, en appliquant les principes de vie universels. C'est le même principe qui s'applique lorsque l'on veut dessiner. On fait une première esquisse, au fur et à mesure, par l'observation des ombres et des lumières, avec les couleurs, nous continuons ce dessin jusqu'à sa forme définitive. Il en est de même pour la vie d'une âme, chaque jour elle doit résoudre les énigmes du sphinx. C'est à ce moment-là qu'elle écrit les pages de sa vie, en tenant compte de son observation et de son niveau de conscience. Tout au long de sa vie, elle rencontrera des opportunités permettant de corriger les erreurs passées. En en prenant conscience, la correction se fera. Tous les signes, si nous savons les voir, nous indiquent le chemin à suivre. Ce principe n'est pas laborieux, si nous le prenons comme un jeu. C'est le jeu de la vie. Caïn et Abel et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, mais si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte, et ses désirs montent sur toi, mais toi, domine sur lui. » Genèse 4, versets 7 à 12. Ne pas se laisser emporter par la colère, prise de conscience de sa façon d'être, relever son visage veut dire regard vers Dieu pour recevoir les puissances des étoiles. Et la porte de ses désirs, c'est le plexus solaire. Caïn tua son frère Abel. Genèse 4, verset 8. Ainsi, il inscrivit son geste dans la mémoire de la terre, versait le sang dans la bouche de la terre. Suis-je le gardien de mon frère? Genèse 4, verset 9. Il nie la responsabilité de l'aîné vis-à-vis son frère cadet. L'aîné a la charge de changer les mauvaises mémoires, et s'il ne le fait pas, c'est au cadet de le faire et ainsi de suite. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Genèse 4, verset 10. Tous les actes sont mémorisés dans la terre, et se mettent en résonance vers le ciel. Donc, le ciel envoie les énergies en correspondance à la réparation à faire. Maintenant tu seras maudit de la terre. Genèse 4, verset 11. La terre se plaint de cet acte vers l'espace où l'Éternel, et témoigne. S'il n'y a pas eu réparation entre-temps, il y aura le résultat en correspondance de cet acte. Voilà ce que Caïn reçoit en rapport avec son acte. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Genèse 4, verset 12. Caïn s'est coupé de l'espace ou de l'Éternel, il est seul, séparé de tout. C'est cela la pauvreté. Il faut savoir que lorsque l'on a fait un acte contraire à la loi divine, karma, on se coupe de l'espace. Il faut en prendre conscience pour le dépasser. Dans la vie, des opportunités vont se présenter pour nous aider à se poser des questions, pour nous mener vers la compréhension. C'est pour cette raison qu'il faut être à l'écoute, et toujours dans l'instant présent. Nous sommes toujours aidés par l'Éternel ou l'espace. C'est cette présence qui permet de voir tous les signes qui se présentent à nous. Le changement peut se faire, chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Le temps existe et n'existe pas. La compréhension nous amène un peu plus, vers la correction de notre karma. On est averti bien à l'avance du moment crucial, et de l'heure exacte favorisant la correction de ce karma. C'est pour cela qu'il est important d'être présent chaque jour, dans notre vie. Pourquoi ? Parce que chaque jour revient d'une manière cyclique, et que dans ce cycle se trouve le moment où l'acte a été commis par action ou par omission dans le passé. Il peut alors être corrigé. Pourquoi ? Parce que les cycles sont superposés, ère, siècle, année, mois, jour, heure, minute, seconde. C'est pour cette raison que l'on peut corriger à tout moment, grâce à la présence journalière qui, à un moment ou l'autre, nous mettra face à notre karma. Un karma est un blocage de l'évolution qui a pour effet d'entraîner une stagnation. Tant que l'on n'a pas compris les tenants et aboutissants de notre comportement, nous répétons les mêmes actes. Pourquoi ? Parce que l'homme est coupé du contact avec son âme qui est en relation avec l'espace ou l'éternel. Comme tout est cyclique, nous nous retrouvons maintes fois face à ce karma. Il en est ainsi de nos descendants. L'image qui me vient est celle d'un vieux disque rayé sur lequel l'aiguille revient constamment au même endroit répétant toujours le même passage. Pour les descendants, l'effet est multiplié. Si la première génération n'a pas corrigé ce qu'il fallait, ce karma sera reporté à la génération suivante et ainsi de suite. Et ça, de manière de plus en plus accentuée. L'être a alors un travail plus important à faire. Il doit terminer la tâche de son père qui s'ajoute à la sienne. Le blocage, s'il n'est pas compris, peut durer des millénaires et se poursuivre de génération en génération. Cela répond à la question que beaucoup se posent face à une épreuve, qu'ai-je fait au bon Dieu pour mériter ça ? Allons chercher plus loin. Comme dit la fontaine dans la fable du loup et de l'agneau, si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Par sa compréhension, une génération peut changer le cours des choses. Elle reçoit une force selon le temps écoulé depuis le karma. Quand l'âme s'incarne, elle est au même niveau d'évolution, que le plan céleste et elle possède plus de force, qu'au moment du karma à brûler. Elle a donc la possibilité de se sortir de celui-ci. Un karma est familial et le corps physique a intégré la mémoire de ce karma ancestral. Donc, plus l'on retarde sa résolution, plus on prend du retard par rapport au plan céleste qui, lui, continue l'évolution. Le corps va appeler une âme de même niveau d'évolution que le plan céleste. Cet amour a la possibilité de comprendre et de mettre fin à ce karma. On peut y rencontrer des personnes qui n'ont rien à voir avec notre karma. Elles sont mises sur notre chemin pour nous aider. Ce n'est pas parce que nous sommes séparés de l'espace l'éternel qu'il nous oublie. Nous ne sommes jamais abandonnés, c'est notre comportement qui amène à cette séparation. Les erreurs de notre société le prouvent bien, ce sont toujours les mêmes événements qui se répètent. Nous tournons en rond car nous n'avons pas repris le chemin de l'ascension. nous nous maintenons dans le karma planétaire. Cette situation perdurera jusqu'à ce que nous cessions de poser les mêmes gestes erronés, ce qui empêche de nous élever au niveau désiré. Il est important que cela se fasse. Il faudra faire un retour à la nature pour prendre contact avec ses mystères et les comprendre. C'est le seul moyen de se mettre en contact vibratoire avec sa propre mémoire. Nous possédons la mémoire de tout ce qui existe dans la nature, les plantes, les pays, les continents, les pierres, les animaux et les étoiles. Il faut se reconnecter avec son mystère, pour que le mystère de l'univers se reconnecte avec nous et s'y inscrive. De cette façon, nous pourrons reconstruire et remettre en place tout ce qui a été détruit par l'homme. Il est bien dit que si l'on se changeait soi-même, le monde changerait. Plus il y aura de personnes qui prendront le chemin de l'évolution, plus les choses changeront. C'est ainsi que le pouvoir des hommes inconscients et sans scrupules diminuera proportionnellement à l'évolution des chercheurs de vérité, des êtres conscients de la nature des choses. Les catastrophes dites naturelles sont le résultat d'un puissant égrégore. Il faut savoir que nous recevons tous les sons de notre univers et de notre planète. Si nous alimentons un karma déjà présent, nous allons appliquer ces sons négativement. L'échange ne se fera pas et nous continuerons à stagner, à tourner en rond. Par contre, lorsque nous serons dans l'union, nous appliquerons correctement ces sons. Lorsque le karma sera réglé, nous retrouverons notre mémoire et nos connaissances là où nous les avons laissées. Après ce travail, nous pourrons rentrer dans le savoir de l'écriture universelle. Cette recherche fait appel à notre intuition, car c'est elle qui va nous mettre en relation télépathique avec les mystères de la nature et de l'espace. La magie divine est un art subtil. Elle utilise les mystères de l'œil, de l'oreille et de la voix. On retrouve, en hiéroglyphe, ces trois sens pour montrer la profondeur de l'œil, l'écoute intérieure de l'oreille et le verbe qui crée, passe par la bouche. Œil et oreille bouche Égypte, elle crée tous les attributs émetteurs et récepteurs. Elle nous emporte dans le sein de l'éternelle lumière. Elle est l'agent des créations, c'est la source intarissable et féconde mais cachée. Elle est une force électromagnétique éternelle, rayon gamma, lumière, rayon cosmique. Les épreuves égales à des cadeaux, les personnes peuvent subir leurs épreuves à travers un rêve. On peut en avoir la compréhension, et agir à travers le rêve pour trouver la solution. Le lendemain, on peut se sentir différent s'ils ont agi. Si la compréhension n'est pas faite, le rêve va se répéter jusqu'à ce que l'on ait compris et appliqué la solution proposée. Ces épreuves sont plus simples à passer, parce que le mental a lâché prise durant le sommeil. À l'extrême, si la compréhension ne se fait pas, il y aura plus tard une présence de maladies psychologiques, psychiatriques, etc. Le rêve se trouve dans l'élément air éther. Les épreuves sont dans les émotions destructrices, colère, jalousie, etc. L'épreuve va nous mettre face à ces émotions et à nos peurs. À nous de bien connaître nos faiblesses, car l'épreuve va toucher nos faiblesses. Si l'on persiste à ne pas changer, la maladie va atteindre les cellules. Elle affectera le plexus solaire où se trouve l'estomac, le foie, la rate, la digestion et le processus d'élaboration du sang. Elle affectera aussi notre agressivité, notre impulsivité ou notre tiédeur dans l'action. Dans ce cas, la maladie va toucher le système sanguin et nerveux. Pour notre côté matérialiste, égoïste, etc., ce sont les os et la peau qui seront touchés. De plus, ces épreuves peuvent se combiner entre elles. C'est à nous de comprendre et de vérifier les signes présents dans notre entourage. Si nous sommes tout aussi présents à chaque instant, dans nos faits et gestes, nous pouvons comprendre les signes afin d'agir en conséquence. Certains individus ne le savent pas, mais nous recevons beaucoup d'aide de la part des êtres visibles ou invisibles. Pour une épreuve à venir, nous recevons trois avertissements. Chaque fois que l'on n'a pas compris l'avertissement, l'épreuve devient de plus en plus dure. Si, au bout du troisième avertissement, on n'a toujours pas compris et agi en conséquence, le quatrième donnera la claque, si je puis m'exprimer ainsi. Cette claque peut être très dure, et se présentera sous la forme d'une maladie, d'un accident, etc. Elle a pour mission de nous réveiller, et de forcer une prise de conscience. Je compare cela à un accouchement avec forceps. Par contre, si nous ne comprenions pas encore ce qu'il fallait comprendre par cette épreuve, nous redescendrions dans la matière. Nous nous sentirions de plus en plus denses et de plus en plus fermés. Nous serions comme une cocotte minute qui va exploser, ne sachant plus rien, ne voyant plus rien, en présence d'un mal-être de plus en plus amplifié. Je vous donne un petit conseil, qui va vous aider à sortir de votre cocotte minute, enlevez le petit bouchon pour que la vapeur sorte. Rentrez dans l'action immédiatement, car vous aurez la compréhension de votre épreuve, et vous serez à même de procéder à la rectification nécessaire. Vous vous apercevrez à ce moment-là, que le petit bouchon ne sera plus là, et que le couvercle aura également sauté. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Ce n'est pas la peine d'aller à la recherche de grands discours, de grandes idéologies ou de vous précipiter pour entendre des histoires à dormir debout. Si vous ne sortez pas du cadre de votre épreuve, vous allez de plus en plus dans la souffrance. La souffrance ne veut surtout pas dire évolution. Cela veut dire non-compréhension et involution. Vous restez toujours dans la cocotte, et ça commence à chauffer fort. C'est l'enfer des religions. L'enfer n'existe pas comme il est représenté par les religions. Sachez que c'est votre comportement et votre façon d'être qui crée cet enfer. C'est l'âme tourmentée qui attire la maladie, et d'autres choses encore beaucoup plus graves. Il vous suffit de faire machine arrière, pour que tout ceci disparaisse. Ainsi, lorsque vous voulez aller à un endroit, et que vous vous êtes trompé de chemin, que faites-vous? Vous faites marche arrière et vous reprenez le chemin. Eh bien, pour l'évolution c'est la même chose.